Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études de Suisse ont publié une déclaration commune à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Ils ont exalté les exploits du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, qui ont fondé et renforcé le Parti du Travail de Corée en parti révolutionnaire de type Chuché, et souligné que le Parti du Travail de Corée portera haut le drapeau de l'indépendance, du Sungun et du socialisme pour réaliser à tout prix l'édification d'une puissance socialiste et la réunification de la patrie. Par ailleurs, le journal cubain Granma a fait part des célébrations en Corée du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée.